Quand j'ai dit le sujet de mon partage ce matin, il était plus sûr que c'était une bonne idée de m'avoir invité. Moi, je trouve que vous exagérez. J'étais ici le 21 novembre. Là, on est comme fin janvier. C'est même pas deux mois. J'ai rien d'autre à dire. J'ai tout dit la dernière fois. J'ai tout raconté. J'ai braillé. J'ai fait couler le mascara. Qu'est-ce que je peux dire d'autre d'intéressant? Je ne suis pas un vrai preacher. Je suis une femme qui aime beaucoup parler. C'est pas pareil. Alors, le sujet de mon partage ce matin, c'est pourquoi je n'aime pas prier. Je voulais aussi vous dire pourquoi je n'aime pas aller à l'église et lire la Bible, mais je trouvais que c'était peut-être un peu trop en même temps. Fait, je vais commencer avec... Mais non, mais je suis sûre que vous ne me réinviterez pas avec un titre de même. C'est vrai, je pensais à ça. J'ai marqué ça sur mon Facebook, les choses que je n'aime pas faire. Tu sais, j'aime pas mettre des bas culottes. Je trouve ça bien de l'ouvrage. Ça m'épuise. Tu sais, aller travailler le matin, là, c'est tout de l'acrobatie, mettre des collants. Les collants, c'est pire que les bas culottes, je trouve. Mais mettre ça, là, c'est immanquable. Je fais toujours des trous dedans quand on en a ma paire neuve. Je viens toujours j'aime pas mettre des bas culottes. J'aime pas repasser, j'aime pas coudre parce que je ne suis pas capable de mettre le fil dans l'aiguille. Il y a des affaires que j'aime pas faire. Il y a des affaires que j'aime pas faire. Puis, je voulais être totalement honnête et transparente. Puis, quand j'ai fait ma liste des choses que je n'aime pas faire, j'étais obligée de marquer j'aime pas prier. Puis là, il y avait du monde. Hein? T'aimes pas prier, mais t'as été pasteur, tu chantes pour Jésus. T'sais. Comment ça, t'aimes pas prier? Il y a un moment donné, vous dites, j'ai jamais aimé ça prier. Prier, je peux pas dire que j'aime, c'est une affaire que j'aime. J'ai jamais vraiment aimé ça, prier, là. Bon, vous expliquez, là, prenez pas ça au premier degré, capotez pas tout de suite. J'ai jamais aimé ça, tu sais, faire des prières. Comprenez? Faire des prières. J'ai jamais aimé ça, lire des prières non plus. J'ai jamais aimé ça, tu sais, comme marmonner des affaires en espérant que ça sonne bien, puis que ça fasse quelque chose. Je l'ai pas, l'affaire. D'ailleurs, quand j'étais arrivée à Agapé, je ne priais plus. Ça fait ça, 4 ans. Je suis là, à Agapé, 2006. Moi, 4-5 ans. Ils vont vous le dire, Agapé, là, quand c'était le temps de prier, là, je me levais debout et je regardais dehors. T'en rappelles-tu? Je refusais de prier. Je fermais même pas les yeux, j'allais dehors. Tu sais, quand c'était le temps de prier, là, ils me parlaient. Je ne voulais même pas bénir le repas. Tu sais, pendant une couple d'années, hein? C'est comme, non, toi, prie. Tu sais, j'étais pas capable. J'étais traumatisée de la prière. Comment est-ce qu'on devient traumatisé de la prière? Bon, vous dire, c'est quand tu pries quelque chose bien important dans ta vie puis que Dieu répond pas. Là, tu viens bien traumatisé. Qu'il se passe plus rien. C'est quand tu pensais que tu entendais la voix de Dieu. Puis tu as l'impression que tout ce qu'on t'a entendu, là, c'était ta propre voix, puis que tu t'es trompé sur toute la ligne, puis tu as l'air d'une vraie folle. C'est quand tu commences à douter que la voix que tu entends, c'est Dieu, tu sais. Quand tu dis, je suis plus sûr que c'est Dieu, parce que si c'était Dieu, il ne m'aurait pas mis dans chenoute. Hein? C'est quand que ça va tellement, là, pas comme il faut, là. Puis que tu as prié, jeûné, braillé, tu as tout fait. T'as pété, t'as pleuré, t'as tout fait, puis il se passe rien. C'est quand le ciel est derrière, puis t'as plus l'impression qu'il y a personne qui écoute, ou s'il écoute, il s'en fout, là, il n'est plus là, il t'ignore. C'est quand t'as l'impression que il n'y a plus rien. C'est quand ton château de cartes, que tu t'étais super bien bâti pendant des années, tombe à terre, avec un petit souffle, puis tout tombe à terre. C'est dans ce temps-là que tu deviens peut-être traumatisé de la prière. Puis moi, je suis venue traumatisée de la prière. Moi, j'étais la fille un peu mystique, c'est bon. Moi, je priais en langue. J'ai ce don-là, pour ceux que ça intéresse. Puis je priais en hébreu, puis je priais en anglais, puis je priais en français. Puis j'étais la fille qui disait aux autres que la prière, c'était comme tout, c'était bon, puis ça marchait. Abracadabra, tu sais, quelqu'un venait me voir, « Moi, prier pour toi. » Puis, j'y croyais, puis j'ai prié pour des malades, j'ai vu des guérisons en passant. Ça, c'est vrai, là. Je n'invente pas ça, là. J'ai pas fait exprès. Mon dos, si j'avais annoncé ça, je serais bien plus populaire que je suis aujourd'hui. Mais j'ai vu des affaires, tu sais, j'en ai vu des réponses, puis des affaires flyées. J'en ai eu des moments, tu sais, je vous ai parlé de la première fois que j'ai prié, il s'est passé quelque chose. Mais quand il se passe quelque chose, puis tu es habitué à ce qu'il se passe quelque chose, puis là, à un moment donné, il ne se passe plus rien, c'est dur sur le moral. C'est bien dur sur le moral. Puis, j'étais tellement frue qu'il ne se passe rien. Puis mes prières, c'est pas compliqué. J'ai deux prières que j'ai faites. Quand mon conjoint est parti, j'ai prié pour que Dieu me le ramène. Puis s'il ne me le ramenait pas, qu'il me laisse connaître avant de mourir l'amour. Puis il n'a pas encore répondu. Puis j'ai l'impression que je vais mourir, puis je ne l'aurais pas connu l'amour. Après ça, j'ai rajouté, « Peux-tu gagner à l'auto? » Je pense que j'ai plus de chances de gagner la loto que de connaître l'amour avant de mourir. Mais il ne répond pas. Puis le jour qu'il a arrêté, tu sais, qu'il ne répond pas, je suis tête de cochon, je ne te parle plus. Je ne te parle plus tant que tu ne réponds pas à celle-là. C'est-tu clair? J'ai été de mauvaise humeur. Puis je l'engueulais à répétition. Puis mes meilleurs moments d'engueulade avec Dieu, c'est dans la douche. Là, on dirait que tout sort, tu sais. Puis ça coûte cher d'eau chaude, mais j'ai des bonnes engueulades avec Dieu. Danielle, elle va chercher Kleenex. Ça, c'est une femme prévoyante. Mais j'ai dit, je ne te parle plus. Puis la raison pourquoi j'ai arrêté de parler à Dieu, puis il y a une raison très logique pourquoi je ne priais pas. Quand je priais, puis que Dieu ne répondait pas, j'étais full fru, puis Dieu paraissait mal. C'était pas bon pour son pilleur. Tu sais, c'était comme s'il n'existait pas. Plus je priais, moins il répondait, plus j'avais honte pour lui. Fait que j'ai dit, je vais arrêter de prier, fait comme ça, je vais être moins mal à l'aise de te faire honte à te demander des choses que tu ne réponds pas. Je vais arrêter de prier, comme ça, je ne serai pas déçue quand tu ne répondras pas. Mais arrêter d'attendre que tu répondes, fait que comme ça, si tu veux m'ignorer, bien, garde, moi, t'es élégante, ignore-moi. Je commençais à parler de même à Dieu, te rends-tu compte? Et on a dit, « Ah, tu manques de respect! » Puis là, je me suis dit, « Ouais, mais si Dieu il a peur d'une petite bonne femme qui mesure 5 pieds, là, il n'est pas fort. Il est plus solide que ça. Il est capable d'en prendre. C'est Dieu. S'il se sent menacé par ma frustration, c'est lui qui a un problème, pas moi. » Puis j'ai commencé à parler à Dieu de même, t'as rendu compte? Ça, c'est pas des prières super, là. Ça, c'est des prières qui vont être boycottées dans bien des églises puis que je pourrais me faire lyncher. Parce que parler, tu sais, Dieu, on est supposé de le respecter puis de le craindre. Mais là, j'avais plus peur de Dieu, t'as rendu compte? Je le craignais plus. Je disais ce que je pensais. Puis j'y parlais dans le casse. Puis je disais, de toute façon, comment je te dirais alléluia, alléluia, là? Tu me vois venir 100 000 à l'heure, tu lis mes pensées, tu lis mon cœur. Tu le sais que je suis enragée. Tu sais que je suis frustrée. Fait que je ne vais pas mettre là du sucre, là, puis te dire du miel. « Oh, s'il te plaît, puis les salamalecs pour essayer de le gagner. » Tu sais, je ne beurrerai pas à toast. J'ai dit les vraies affaires. J'ai commencé à être honnête avec Dieu, puis à être honnête avec moi-même. Puis j'ai commencé à avoir des conversations assez fracassantes. C'était épouvantable. Puis sais-tu quoi? Dieu, il m'a pas envoyé la foudre sur moi. Il m'a pas flushé. Puis je suis encore là. Fait que ce que j'ai compris, c'est que quand tu es full fruit, là, s'il y a une place que tu peux aller te défouler, c'est bien dans les bras de Dieu, tu sais. Parce qu'il te comprend. Tu comprends si tu peux aller là. Puis tu peux laisser sortir le mauvais, puis il comprend. Puis ça va sortir croche, puis ça... T'es mieux de dire à lui ce que les crottes que tu as sur le cœur que de dire à tes frères et à tes sœurs alentour de toi. T'es mieux de tout évacuer, ta colère, dans la présence de Dieu, que de faire subir ça aux humains alentour de toi. Non? Puis tu peux aussi aller en thérapie, si tu veux. Mais j'ai passé à un moment où ce que je priais plus, mais j'avais des conversations. Bien, plus des monologues. Je chialais. Puis je... T'es content, là? Garde ce que ça donne! T'es content? Tu sais? Puis là, je disais, tu veux pas me répondre, ben je vais te faire honte, tu vas rester fidèle pareil, OK? C'est épouvantable, hein? Je te lâcherai pas! Ignore-moi all you want! Je suis là! Allô! Je te dérange-tu? Tu sais, la femme avec le juge unique, là, Jésus en a parlé, là. Elle revenait toujours avec sa quête. Puis, c'est ça. J'allais le déranger, j'allais m'astiner, j'allais le provoquer. Puis, il dit, j'ai un problème avec ça, là. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui est estropié. Comment est-ce que ça t'honore, quelqu'un qui est estropié? Pourquoi tu permets ça? Tu sais, des affaires qui me dérangent profondément, des affaires que je considère irrationnelles, des affaires qui m'énervent. Bon, ouais, Dieu, puis j'y parle, puis j'y dis. Puis je suis pas reposante. Puis il m'a laissé gesticuler, puis crier, puis cracher mon venin, puis m'enrager, puis boquer, puis un peu comme un enfant qui fait une crise quand, tu sais, qui se pitche à terre, tu connais ça, Anne? Ça se pitche à terre. Il n'y a rien à faire. Tu sais, il laisse aller. Tu lui jettes de l'eau frette à un moment donné. Il se calme. Mais tu sais, il n'y a rien à faire. Tu peux-tu raisonner avec quelqu'un qui est dans cet état-là? Non. Tu ne peux pas. À un moment donné, je me suis fermée. À un moment donné, je suis allée chez un de mes copains à Québec qui était parti voir son chum à Bali puis qui m'a laissé son appartement pour l'été. J'ai pris 2 semaines, je suis allée à Québec dans l'appartement de mon meilleur ami. Puis là, je filais pas. Puis j'ai eu le dos barré. Savez-vous c'est quoi? Vous souhaitez pas le bas de mon dos a barré. Je n'étais pas capable de me lever. Je n'étais pas capable, tu sais, marcher. Tu sais, je sortais du lit, là, puis je rampais pour me rendre à la toilette. Puis là, je me tenais après la baignoire pour... Tu sais, le dos barré, ça a été de même pendant 1 semaine. Il n'y avait rien à manger. Je ne pouvais pas descendre les marches pour aller chercher de l'épicerie. J'avais rien. Fait, j'ai mangé du riz blanc qui restait dans le fond de l'armoire à mon copain. Puis, j'ai bu du thé. Puis, tu sais, l'annonce, le gars qui est de même, là, c'était ça. Tu sais, puis, je n'étais pas capable d'aller m'acheter des robes à cassettes. Je n'étais pas capable de bouger. Je n'avais pas de téléphone. Je n'avais pas personne. J'étais pognée là, stallée là. Puis, j'avais la misère à dormir. Enfin, j'étais réveillée à 6 heures le matin, un matin. Puis là, j'étais allée m'asseoir sur le balcon en buvant un café. J'ai ouvert la porte. Puis, tu sais, l'aube le matin, des fois, c'est tout comme rose dehors, comme les petits nuages roses dans le ciel, tu sais. Puis, il y avait un arbre juste en face qui battait au vent. Puis, à un moment donné, c'est comme si le petit nuage rose est rentré dans la pièce. Puis là, ça faisait des années que je n'avais jamais senti une présence comme ça. Des années. Un nuage de présence divine qui est venu sur moi. Je n'avais pas rien demandé, là. Puis là, il y a une conversation qui est partie de mon cœur tout seul. Puis il y avait une conversation directe à mon cœur. Il n'y avait pas de mots. Puis, au bout d'une heure ou 2 heures, je ne sais pas, j'ai perdu la notion du temps, j'avais fait tout le ménage. Puis, en revenant de ce voyage-là, je pense que j'ai prié pour la première fois Agapé. Je dis souvent aux gens, j'entends pas la voix de Dieu, mais je lis sous ses lèvres maintenant. Je suis rendue sourde d'oreille en vieillissant. Tu sais, c'est normal. Je suis sourde d'oreille spirituelle. J'entends pas la voix de Dieu. Mais des fois, j'arrive à lire sur ses lèvres. L'année passée, j'ai fait une réunion des anciens. J'ai déjà été pasteur. J'ai eu une petite église sur le campus de l'Université de Montréal. Puis ça faisait 25 ans. Puis 25 ans plus tard, j'ai réuni tout le monde chez nous de mon ancienne assemblée. Puis je les ai tous retrouvés. Ils ont tous décidé qu'ils venaient. On a fait ça entre Noël et Jour de l'An. J'ai commandé un buffet, puis là, j'ai sorti toutes les vieilles photos, les vidéos. Tu sais, tout le monde venait, puis là, j'ai fait comme un collage de photos. Le problème, c'est que sur toutes les photos, il y avait mon ex, parce que on était pasteurs, les deux. Fait qu'il n'y avait pas une photo que mon ex n'était pas là, tu sais. Puis c'était comme, il n'était pas sur la guest list, pas en tout mon ex, tu sais, parce qu'il ne veut rien savoir de moi, il ne m'a jamais reparlé. Lui, il est parti du jour au lendemain, il ne m'a jamais reparlé. Fait que tu te rends compte, ça fait au-dessus de 10 ans que je suis divorcée. Là, mon ex, c'était ses photos partout, puis là, j'avais tout le fun, tout le monde était excité, il arrivait le lendemain. Puis là, c'est le soir, bien, la fin de la journée, j'ai fini d'installer tout, le party, tout. Puis là, ça commence à dire, là, la même place dans le cœur, je ne sais pas comment le dire, là. Faut t'inviter ton ex. Ben là, non. C'est pas une option. Faut t'inviter ton ex. Moi, j'entends pas la voix de Dieu, mais c'est comme la conscience qui est saisie. C'est profond, là. Puis là, c'est plus la conscience, c'est une conviction que. Ça, c'est la bonne chose à faire. C'est la chose juste à faire. Mais ça ne me donne rien, là. Ça ne m'avantage pas. Je ne veux pas ça. Mais c'est la bonne chose à faire. Mais là, je suis comme, ouais, mais il n'y a pas de problème, je ne sais pas son numéro. Tu es débrouillarde, tu vas le trouver. Non, mais je ne veux pas le trouver. Je ne veux pas y parler. Je ne veux pas que sa nouvelle conjointe me réponde, comprends-tu? Je ne veux pas vivre ça. Vous le savez que j'ai appelé 411, que j'ai ramassé les 16 numéros avec les initiales, le nom de mon ex, puis que je les ai tous appelés, puis évidemment, c'était le 16e numéro, c'est sûr. Comme dans un film à Hollywood. Puis que, c'est lui qui répond. Tu sais, quand ça fait 11 ans que tu n'as pas parlé à quelqu'un, allô, c'est Louise? Là, tu es sûr qu'il va raccrocher, mais je l'espérais. Mais non, il n'a pas raccroché, il était comme sous choc. Parce que j'ai dit, écoute, je t'appelle parce qu'on fait une réunion des anciens de notre assemblée pour 25e anniversaire, puis c'est chez nous, c'est demain, puis je voulais juste te laisser savoir que si tu veux venir, la porte est ouverte. Fait que là, tu sais, toujours la même élégance, il me dit, je vais rappeler d'autres mondes pour leur dire s'ils viennent. Je dis, non, c'est pas d'autres mondes qui t'invitent, c'est moi. Mais tu n'as pas besoin de rappeler. Si tu viens, si tu viens pas, tu viens pas. Je voulais juste te laisser savoir que ça arrivait, puis que tu sois au courant, puis que la porte est ouverte si tu veux venir. Fait que ça finit de même. Le lendemain, c'était le premier arrivé. Évidemment. Malaise! Bon, il n'est pas venu avec sa nouvelle, là, c'est déjà ça. Puis, c'était malaise. Puis là, il y en a d'autres qui sont arrivés. Puis là, il m'a invité, tu sais, comme toute la journée. Puis là, ben, j'ai su que, tu sais, il ne va plus vraiment à l'église, il n'est plus vraiment impliqué, il n'est plus vraiment dans rien. Tu sais, il a passé un mauvais coton lui aussi. Mais pendant notre réunion de nos anciens, j'ai demandé de prier. Puis il était content. Parce que son côté pastoral était. Tu comprends? C'est quelque chose qui manque. Fait qu'il a prié, puis on a chanté nos vieilles chansons, puis on a mangé. Puis tout le monde était tellement content quand ils sont arrivés. Là, tout le monde. Ah, t'es là! Puis. Il était content de le voir, il était content de voir tout le monde. Puis moi, ben, tu sais, je veux dire, j'étais content de voir qu'il y avait du monde de content, là. Puis là, le monde venait me voir dire, on est content, tu l'as invité. Ouais, il fallait que ça vienne de toi. Nous autres, on n'aurait pas pu l'inviter, mais on y a pensé, mais on s'est dit, on ne peut pas l'inviter chez Louise, tu sais. Il fallait que ça vienne de toi. Ben oui, ben oui, c'est ça, je l'ai invité. Je ne vous ai pas dit que j'ai reçu comme un genre de petit quelque chose au cœur, tu sais. Je ne vous ai pas dit. Mais ils ont compris qu'il y avait de Dieu là-dedans. Moi, là, j'aurais aimé qu'ils sachent qu'on avait fait une réunion et qu'ils n'avaient pas été invités. Moi, c'est ça que j'aurais aimé. Tu sais, ça m'aurait fait un méchant plaisir. Oui, Jack. Tu sais, ça m'aurait fait, tu sais, ça aurait été une vengeance bien méritée. Tu sais, j'aurais tellement aimé ça. C'est ça que je voulais, tu sais, c'est ça. C'était pas ça le but que j'organise l'affaire, mais disons que ça aurait été comme un bonus, tu sais. J'ai pas eu cette satisfaction-là de le faire filer cheap, de le faire filer exclu. de le faire filer comme genre, on veut pas de toi ici. Garde, il me parle encore à moi, mais pas à toi. Non, non, non, non, non. J'ai pas eu ce plaisir-là. J'ai dit à Dieu, c'est drôle, moi je réponds quand tu me demandes de quoi. Comment ça, toi, tu me réponds pas? C'est-tu juste? Comment ça, tu te demandes à ce que moi, je fasse ce que tu veux? Des fois, je suis bête avec Dieu. Comprenez-vous? Comprenez-vous le... Je vous scandalise-tu? Peut-être, je ne sais pas. Grosso modo, il est venu me voir à la fin de la soirée pour me remercier. Il commençait, il a voulu avoir une copie de mon album. Il commençait à aller bien, là. Il était comme sur un high d'être avec toute sa gang. Il est venu me voir à la fin, me remercier. Puis il m'a dit, tu sais, il dit, je l'aurais su. Parce que je parle encore à une couple de personnes, je l'aurais su. Puis il dit, ça m'aurait vraiment fait de quoi, là, si je n'étais pas venue. Fait que lui, il était bien content. Puis, la seule satisfaction que j'ai, c'est que j'ai fait ce qui était bien. Ça ne m'a rien donné personnellement, mais j'ai fait ce qui était bien. C'était un bon exemple parce que j'étais quand même l'ancien pasteur de cette gang-là. Puis, il y en a deux dans la gang qui passent à travers des divorces pénibles. Puis, j'ai fait ce qui était bien. J'ai été un exemple, peut-être pour lui donner de l'espoir de peut-être l'avenir de leur relation avec leurs ex. Hein? Il y a ça aussi. Puis, Dieu, c'est un Dieu de réconciliation. Dieu, c'est un Dieu de guérison quand on lui donne la chance. Fait que, mais il m'en doit une. Ça dit, dans l'épître de Jacques, vous n'avez pas parce que vous demandez mal. On demande mal. Jésus dit, quand vous priez, quelque part des évangiles, mais j'ai les versets, j'ai les écrits, c'est pas parce que je suis paresseuse. J'aime pas ça dire des numéros, là. C'est comme si vous ne croyiez pas que c'est vraiment dans la Bible. 1 Jacques 4, 3, puis Matthieu 5, 5, 9. Bon, OK, c'est là. Hein? Non, non, pas Jacques, juste Jacques 4, 3. Merci. Ça, c'est deuxième Jacques. Matthieu 5, 5, 9. Quand vous priez, soyez pas comme les hypocrites. Entre dans la chambre, ferme ta porte, puis prie ton Père qui est dans le lieu secret. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Puis là, il dit, voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. C'est quoi après? Que ta volonté... Socrate, saviez-vous que Socrate s'est penché sur le problème de la prière? Socrate, il disait, si Dieu est bon... Il va déjà faire tout ce qui est bon pour nous autres. Où est l'utilité de la prière? Supposons-nous que nous, on sait plus que Dieu, c'est quoi qu'il doit faire? Hein? C'est une bonne question, ça. Fait que Socrate, sa réponse à son problème, c'était que si on demandait à ce que la volonté de Dieu soit faite, il n'y avait pas de conflit. Parce qu'on s'accordait. Puis c'est drôle, je ne sais pas si Jésus avait lu Socrate, mais il dit la même affaire. Que ta volonté soit faite. C'est quand même cool, hein? Des fois, la philo, puis Jésus, ça marche. Des fois. C'est le fun de lire la philo aussi. Fait que, multiplier des vaines paroles. Moi, il y a des styles de prière que j'ai découverts au fil des années. Il y a la prière marketing. Ça, c'est la prière où ce que tu te sers de la prière pour avertir tout le monde de ce que tu as à offrir. Seigneur, utilise-moi, tu sais que j'ai des talents. Tu sais, genre, cette prière d'autopromotion. Il y a la prière manipulatrice. Oh Seigneur, envoie quelqu'un pour m'aider à sortir mon char du banc de neige. Tu sais, que tu pries ça devant toute l'assemblée. Ça serait comme dur que quelqu'un sauf pas. Il dit, oh, tu vois, Dieu a répondu. Il y a la prière commérage. Au Seigneur, on prie pour notre sœur Annette qui a trompé son mari avec le. Ça, c'est la prière commérage. La prière marketing, la prière commérage, la prière manipulation, la prière auto-congratulation. Ça, c'est la prière où on dit Seigneur, nous te remercions que nous avons accompli de grandes choses grâce à toi. Puis, tu sais, il y a tout, puis je les ai toutes entendues. Il y a la prière. les vaines paroles. Seigneur, je te dis Seigneur, parce que Seigneur, tu sais Seigneur, quand je te parle Seigneur, que Seigneur, vous n'utiliserez pas le nom du Seigneur comme des virgules. Hein? Bon. Il y a la prière magique. Celle-là, c'est la meilleure. Chandala bandala. Au nom de Jésus, sors de ce corps, tu sais. Ben oui. Ça, c'est spectaculaire, c'est théâtral. Moi, j'ai vu des gens prier puis se mettre un trémolo dans la voix. Il y en a d'autres, il y a la prière qui gagne l'Oscar. Oh, Seigneur, tu connais nos besoins financiers. Parle aux gens de ce, parle à ce peuple qu'ils ouvrent leur portefeuille et nous donnent. Il y a la prière ultimatum. Seigneur, si tu réponds pas à ma prière, je vais me suicider. Ça, c'est Oral Roberts qui l'a sorti, celle-là, à TV. Dieu a dit que je mourrais si vous n'envoyez pas d'argent. Tu sais, c'est... Je pense que Jacques a raison. Vous, pas toi, l'autre. Vous n'avez pas parce que vous demandez mal. Il faut toujours regarder l'intention derrière ce qu'on demande. Puis, c'est pas à nous de dire à Dieu quoi faire, c'est plus à Dieu de nous dire quoi faire. Puis, quand il y a réellement une conversation avec Dieu, il va y avoir des petites poussées. Tu vas savoir, quand tu rentres dans la zone, tu sais quand ce que tu fais est bien. Tu sais quand tu es au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes en train de faire la bonne chose. Il y a comme une vibration. Tu sais, tu es dans la zone. C'est ça. Tu le sais. Puis Dieu, il veut nous diriger pour nous amener dans des moments de grâce comme ça, où ce qu'on on fait la bonne chose. Puis c'est à ce moment-là que sa volonté s'accomplit. Puis quand on voit sa volonté s'accomplir, on est content. Parce que ça vient nous confirmer l'action de la providence dans nos vies, l'action de Dieu à travers nos vies. C'est que la prière, pour moi, c'est plus ce que c'était. C'est vraiment rendu une conversation où je dis à Dieu ce que je pense vraiment, puis que je peux dire n'importe quoi, puis je peux dire non, je ne veux rien savoir, mais il sait que je vais finir par faire ce qu'il veut. Je suis ce genre de serviteur-là, celui qui dit non, non, non, mais je le fais. Puis tu as ceux qui disent oui, oui, oui, mais ils ne font rien. Je ne sais pas s'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Moi, je boque, je crie, mais je finis toujours par... Il finit toujours par m'avoir. Il finit toujours par m'avoir, là où il me veut. Puis, mais, c'est ça, je ne suis pas l'exemple parfait. Je ne suis tellement pas un bon modèle. Je ne suis tellement pas... Fiez-vous pas sur moi pour apprendre comment prier, là. Mais je voulais juste vous dire un matin que si ça vous arrive de frapper un mur, si ça vous arrive de dire, coudonc, est-ce que je sais des paroles vaines et inutiles que je multiplie? Si la prière pour vous a perdu sa magie, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Parce que c'est ça. Ah oui, il y a la prière, bon débarras aussi. Ça, c'est quelqu'un qui vient te voir qui a un problème, puis tu ne veux pas vraiment t'en occuper ni l'aider. Tu vas dire, on va prier pour toi. Seigneur, occupe-toi de ce frère. Bye! Bonne semaine, c'est bon, Daniel! Non, ça, c'est la prière, bon débarras. Mais comprenez-vous, je pense que c'est cette prière-là que j'aime pas. Me suivez-vous, là? Il y a une grosse différence entre faire des prières puis avoir vraiment un dialogue, une conversation avec Dieu. Puis, des fois, Dieu va Quand Dieu va t'envoyer une impression, une direction, un moment de providence, tu vas le savoir, puis tu vas rentrer dans la zone. Parce que Dieu ne va pas nécessairement arriver du ciel avec une trompette pour te dire, là, lève-toi et marche, tu sais, pas nécessairement. Mais il y a un moment donné, quand tu le sais, c'est ça. Puis que tu le fais, ça veut dire qu'il y a une interaction. Il y a une action. Pour moi, la conversation avec Dieu, ce n'est pas un acte passif. Si tu veux faire de la méditation, tu peux faire du yoga, là. Mais pour moi, c'est quelque chose d'actif. La prière, la vraie conversation avec Dieu, c'est quelque chose de vivant, d'actif, d'authentique, de terre à terre, de réciproque. C'est pas juste, bien là, j'ai fait mon 5 minutes, ah, amen. Tu sais, c'est vraiment, il va se passer de quoi? Comme quand on se parle entre nous autres, tu viens de souper, oui, je viens souper. Tu sais, vous le faites. Si on se rencontre pour aller au restaurant, il se passe de quoi après qu'on s'est parlé? Si on fait juste se dire bonjour, bonjour, bye-bye, bye-bye, c'est super, tu sais, c'est pas fort. Fait que je pense que ce que j'ai appris avec mes frustrations, c'est d'aller peut-être à un autre niveau dans le dialogue puis l'échange avec Dieu, puis de réviser tout ce que je pensais que je savais de la prière, puis de réapprendre, puis de peut-être arrêter de demander, puis plus masser, puis écouter, puis voir c'est quoi toi tu me demandes. Puis il y a des prières que j'ai pas de misère à dire. Viens au secours de ma foi. Apprends-moi à aimer comme tu aimes. Aide-moi à comprendre mon prochain. Ouvre mon esprit. Parce que ça, c'est bien, bien important, l'ouverture de l'esprit. J'avais-tu marqué un verset là-dessus, l'ouverture de l'esprit? Bien oui. Parce que Jésus, il en parle. Voyons, voyons, voyons, voyons. Bien, il n'est pas marqué là, tout à l'heure. Mais ça dit. Ah oui, Jean 5, 39. Attends une minute, je vais aller voir ça. Puis je vais vous laisser après ça. Vous n'avez eu assez, hein? Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais non, c'est pas pas en tout ça. Ben oui, ben oui. Ah, oh, il est réveillé. Allô? J'étais bien concentrée. Il y a un verset qui dit que Jésus dit qu'il veut ouvrir leur esprit, là, puis en tout cas, vous le trouverez la prochaine fois. Mais tu sais, ça m'avait touchée de dire qu'il veut ouvrir notre esprit, fait qu'il faut garder l'esprit ouvert. Je pense que ça fait partie de la conversation que Dieu puisse agrandir nos horizons, ouvrir nos esprits, qu'on comprenne un peu plus c'est quoi qu'il veut vraiment, qu'on comprenne son langage. Fait que, comme je vous dis, je revise un peu comment est-ce qu'on prie. Je revise un peu, je revise pas mal tout. Après ça, la prochaine fois, si je reviens vous parler, mais je pense que vous ne me réinviterez pas tout de suite, là, je vais vous parler pourquoi j'aime pas aller à l'église, puis pourquoi j'aime pas lire la Bible. Ça va être à peu près la même chose, là, oui. Mais je voulais vous dire un matin pourquoi je n'aimais pas prier, puis vous dire aussi que si je ne fais plus de longues prières devant les synagogues comme avant, j'ai néanmoins des conversations profondes et intimes avec Dieu. Et quand quelqu'un près de moi souffre, j'ai un soupir et un gémissement qui montent tout de suite automatiquement. Mon réflexe premier, c'est de dire, « Dieu, peux-tu faire quelque chose? » La Bible dit que l'Esprit intercède par des soupirs puis inexprimables. Je soupire beaucoup. Où je dis souvent, je prie mal, mais je m'inquiète bien. Puis c'est ça, j'apporte ce fardeau-là, tu sais. Puis la même chose le matin quand je me lève, puis que je prends ma tasse de café, puis je regarde les petits oiseaux dehors, ce qui se lève, c'est « Wow, merci, merci, merci. Merci pour mon âme, merci pour mon chien, merci pour la… » Moi, c'est la nature, les animaux, tout ça. Je n'ai pas de misère à être en communion avec Dieu quand je contemple la création. Puis quand je rencontre des gens que j'aime, après un bon souper, tout ça, j'ai pas de misère à avoir ces remerciements, ces débordements de trop plein, de dire merci la vie, merci Dieu pour la vie. Ça, vous comprenez, c'est des conversations à différents niveaux, mais j'ai plus de recettes magiques, j'ai plus de formules toutes préfabriquées pour répondre à toutes les sortes de problèmes. Je l'ai plus, ça. Je l'ai déjà eu, mais je l'ai perdu. Puis savez-vous quoi? Je pense que j'aime mieux ce que j'ai aujourd'hui que ce que j'avais autrefois. Fait que c'est ça qui est ça.